mama toujours prendre Tchembele dans ta molie pour traverser en l'eau rivière. Au travail bois, au travail tel. Pour faire comme là, pour faire l'usine, pour pas. Maman toujours prendre Tchembele dans ta molie. Un jour rivé, vous découvrez. Encore avant l'esprit, y'en fait tout ça pour y'en démarrer. J'ai meilleur. Ou qu'à chanter, laissez ça quand il jaillit. Laissez-y triper. Ah, yo, qui peut changer la terre. Laissez ça quand il jaillit. Laissez-y triper. Laissez-y triper.